Stephen King aime les sacrifices, Stephen King aime les orphelins, Stephen King a écrit Les Démons du Maïs, Fritz Kirsch l'a adapté et David Price en a réalisé la suite. Bonjour à tous et toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock, je suis avec Chris une fois de plus, salut. Hello. Comment vas-tu? Ça va, c'est toujours les vacances, mais je viens de vérifier et ça ne le sera plus au moment où vous écouterez cet épisode. Et voilà, c'est la magie du montage, du futur et de tout ça. Le dernier épisode où tu seras encore en vacances quand il sortira, c'est le projet, c'est celui qu'on a enregistré la dernière fois, donc celui sur le doigt télescopique. Exactement, qui sort ce mercredi-là, à l'heure où nous enregistrons. Je me demande bien ce qu'on en a pensé, du coup. Ah oui, moi aussi. Vous le saurez en écoutant le podcast en question. Ouais, que les gens auront déjà écouté, a priori. C'est en train de devenir un paradoxe temporel, la première oui, de cet épisode. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas vraiment de nouvelles du côté de King depuis la dernière fois. Il n'y a pas eu vraiment de nouvelles annonces. Les bandes annonces de Welcome to Derry et compagnie, on les avait déjà dans mon souvenir. Donc rien de bien neuf. À Welcome to Derry, j'ai un doute. Ah ouais, on n'avait pas encore la bande annonce? On avait la bande annonce de Running Man, de Garrett, puisqu'on en avait parlé. Celle de Welcome to Derry, j'ai un doute. Quoi qu'il en soit, je ne l'ai pas regardé. Donc. Non, moi non plus, parce que je devrais déjà regarder la série. Je ne vais pas en plus perdre une minute de ma vie à regarder la bande-annonce. Mais... Oui, voilà. Mais voilà. Après, c'est fort possible que du coup, tout ce qu'on vient de dire, on l'avait déjà dit parce que c'était disponible. Ouais, mais non, si c'était disponible, on n'en avait pas parlé démesurément, ça c'est sûr. Du coup, on ne va pas avoir grand-chose de plus à ajouter avant de se lancer dans l'épisode du jour. Ça faisait quelques temps quand même qu'on n'avait pas fait un Démon du Maïs, c'était le 93e épisode de la dernière fois, avec le 6e ou 666e. Ouais, c'était de la merde. Ouais, c'était pas bien. Ah oui, c'était des choses de merde. Là, nous allons attaquer le deuxième Démon du Maïs, la suite directe du premier, et ce qui fait qu'il nous restera plus que le troisième à faire après, Démon on du aura Maïs, fini avec cette série. Et Démon du Maïs 2, le sacrifice final. Parce qu'à l'époque, on s'en doutait pas. Non. Enfin bon, il devait avoir un ça dans un coin de la tête quand même. Hein. Je pense. D'ailleurs, les trois premiers ressortent bientôt en coffret Blu-ray, s'il y a des gens que ça intéresse. Mmh. On a chez toujours Rémini pas édition. Vu le 3. Ouais, ouais, toujours vraiment dans les bons coups, hein, Rémini, sur ce coup-là. Ah, ils sortent des bons titres aussi, attention. En plus, oui. Mais donc, allons-y, les Démons du Maïs 2, le sacrifice final. C'est parti. We have just witnessed a terrible tragedy. It all began here. We are one. In these fields. We are one. With the children of the corn. We are one! What happened is over, Mrs. Burke. It's over. We are one! A bunch of kids killed all the adults in town. Just your basic Sunday afternoon Bible Belt. But the adult's nightmare isn't over yet. People are actually worried about problems with our sweet, innocent children. There's something out there. There's something... It's evil. It's gotten a hold of our children. Did you see what happened? Was for the corn. Based on the shocking short story from Master of Horror Stephen King. Have you ever seen evil? It works through the children. This is Children of the Corn 2. He who walks behind the rose commands that we rid the land of all the defilement of the corn. Donc le film se passe directement après le premier et après les événements de Gatlin, les enfants survivants sont envoyés dans différentes familles d'accueil dans la ville proche de Hemmingford. Un journaliste et son fils, donc John et Danny, arrivent dans la ville et John s'y arrête afin de traiter de cette actualité. Et il reste un esprit dans le maïs et un nouvel adolescent, Mika, va se faire posséder par l'esprit et va prendre la tête du culte. Cependant, la ville semble cacher d'autres secrets. Waouh. Ouais. On a hâte de les connaître. Ah oui. Les droits du premier Démon du Maïs étaient détenus par New World Pictures, mais à la fin des années 80, la compagnie est dans une situation économique un peu compliquée. La faillite menace, finalement elle ne fera pas faillite à ce moment-là. Mais deux de ses anciens dirigeants, Larry Kupin et Harry E. Sloan, vont profiter de cette situation pour acquérir les droits de plusieurs licences, majoritairement deux, Les Démons du Maïs et Hellraiser, dans le but de produire des films en s'associant à d'autres compagnies afin de minimiser les risques économiques. Donc sans être crédité, le film est produit par la compagnie de ces deux hommes, qui est Transatlantic Pictures, et il est d'ailleurs produit en même temps que Hellraiser 3. C'est des prods conjointes tournées à peu près sur les mêmes lieux. D'accord. Il y a deux scénaristes à ce film. Le premier, c'est A.L. Katz, qui avait travaillé sur la série télé Freddy et qui, à l'époque des Démons du Maïs 2, était régulièrement sur les Contes de la Crypte, surtout comme producteur, mais aussi comme scénariste. Et par la suite, il travaillera sur Au-delà du réel en série ou La Reine des Vampires en film. Et aujourd'hui, il est toujours actif, mais il fait du podcast maintenant. Voilà. Ah tiens. Donc, soutien à un collègue. Oui, oui. Ça n'arrive qu'au meilleur, bien entendu. Voilà. Le deuxième scénariste, c'est Gilbert Adler, qui avait aussi travaillé sur la série Freddy, et lui, par la suite, il travaillera sur Les Contes de la Crypte et sur La Reine des Vampires, dont il est le réalisateur, en fait. Et il a d'autres expériences de réalisateur, mais surtout à la télévision. Bon, La Reine des Vampires, c'est un film. Oui. Voilà, c'est pas honteux, mais c'est quand même pas remarquable, je trouve. Non, voilà, c'est ça. Il est cependant surtout producteur sur les séries qu'on a déjà mentionnées, puis dans les années 2000 sur des films comme Constantine, Valkyrie, Superman Returns, donc il a collaboré pas mal avec Bryan Singer, mais pas sur Un élève doué. Et il est encore actif aujourd'hui. Il produit encore de temps en temps, un peu ralenti, mais encore un peu. Le réalisateur choisi, c'est David Price, qui en est à son deuxième film. Le premier, c'était un film appelé Le Fils des Ténèbres, ou pour le titre VO, Son of Darkness to Die For 2. Et par la suite, il a fait Dr. Jekyll et Mrs. Hyde, pardon, qui a l'air d'être un monument du bon goût, où Dr. Jekyll se réincarne en femme sexy et manipulatrice, si j'ai bien compris. Oh, wow. Voilà. Mais il n'a pas fait grand-chose d'autre. Et je suis tombé sur un court article de Ciné Fantastique fait au moment de la production des Démons du Maïs 2, peu après le tournage, et il est étonnamment honnête sur les raisons de la production du film. Faire beaucoup d'argent, voilà ce qu'il en dit. Ah oui, d'accord. Mais ouais, c'est quand même dans la promo, ça en est là, c'est que, ouais, vraiment... On peut pas lui reprocher son honnêteté. C'est pas faux. Voilà, c'est déjà ça. Il dit qu'il a quand même un peu hésité à travailler sur la suite puisqu'il était au courant du dédain de King pour l'original, mais il a accepté, je cite, en voyant que le scénario développait bien les personnages. Lol. Mais donc voilà, c'est un film qui a été fait nettement pour l'argent par une compagnie qui avait récupéré ça dans l'espoir de produire vite et pas cher et en s'associant à d'autres pour un bénéfice maximal. Et c'est ça en fait qui va lancer la production de ce Démon du Maïs et de toutes les suites qui viendront après en DTV. Quand vraiment ce sera de plus en plus chapeauté par compagnie des frères Weinstein qui sont juste distributeurs sur celui-là et qui prendront encore plus le contrôle petit à petit. Ouais, j'aime bien le côté gaguesque du mec qui se dit alors, l'auteur d'origine n'a pas aimé le premier film, je sais pas les gars si je vais vraiment y aller. Le bruit sonore du tiroir caisse, allez, finalement, allons-y. Oui, c'est un peu ce que je suppose, je pense. Hein. Voilà, on va pas déconner. Hein. Au casting, le protagoniste, le journaliste donc John, est joué par Terence Knox, dont les rôles les plus importants à l'époque étaient dans la série L'Enfer du Devoir, une série assez longue sur la guerre du Vietnam où il tient un des premiers rôles, et dans les premières saisons de Hôpital Saint Elsewhere. Il a continué une carrière depuis, mais surtout à la télévision, ainsi que sur scène. Pour l'acteur qui joue Danny, il s'appelle Paul Schreier, et si on clique sur le lien Wikipédia français à partir de la page des Démons du Maïs 2, on tombe sur un physicien suisse qui a, semble-t-il, eu une belle carrière en tant que physicien, mais je ne pense pas que ce soit le même, en partie parce qu'il a l'air trop en forme pour un type né en 1980 et mort en 1969. Oui, effectivement. Donc je pense plutôt qu'il s'agit d'un autre Paul Schreier, lui, né en 1968, ce qui fait quand même beaucoup trop vieux pour jouer dans les Démons du Maïs, mais c'est pas grave, qui commence sa carrière enfant sur scène, puis joue à partir de la fin des années 80 dans des sitcoms. Il arrête sa carrière d'acteur en 2001, depuis il est devenu courtier en immobilier. Voilà. Waouh. Mika est interprété par Ryan Bollman, qui avait 20 ans à l'époque du tournage, donc qui aurait déjà dû être mort dans la diégèse du film. C'est son premier rôle au cinéma et il continue à jouer depuis, surtout dans des petits rôles, par exemple L'Histoire sans fin 3. Et il gère la page Facebook des Démons du Maïs 2, dans laquelle il partage ses souvenirs de tournage, des photos, des trucs comme ça. Je suis allé voir, c'est pas odieux, mais j'ai pas trouvé d'informations particulièrement intéressantes, quoi. C'est surtout les souvenirs nostalgiques du film. D'accord. Lacey est jouée par Christy Clark, donc c'est le love interest du héros, dont le principal rôle c'est dans Des jours et des vies, la série. Elle joue dans 1643 épisodes, donc c'est plutôt un rôle important. Au ciné, elle est aussi dans Freddy 2, dans un petit rôle. D'accord. Angela, qui tient la pension du coin, elle est jouée par Rosalind Allen, qui tourne beaucoup depuis 1984, surtout à la télévision. Par exemple, dans la série Sequest, Police des Mers. Elle a mis sa carrière en arrêt en 2002, sans que je trouve pourquoi. Elle l'a reprise en 2021. Elle est de nouveau active après une pause de quasiment 20 ans. Voilà. Et celui qui joue le rôle du professeur d'une native américaine du film, il est joué par Ned Romero. Aucun lien avec le Romero dont on a déjà parlé. C'est un acteur et chanteur d'opéra, né en 1926 et mort en 2017, qui commence sa carrière sur scène dans les années 50, puis passe à la télé 10 ans plus tard environ, où il tournera beaucoup. À chaque fois, un peu tristement, c'était quand on avait besoin d'un rôle d'indien cliché, j'ai l'impression. Hein. Donc, ouais. Malheureusement. Bien mangé. Voilà. Le tournage dure grosso modo un mois, en juillet et août 1991 en Caroline du Sud, avec un budget qui est estimé entre 900 000 et 1,3 million de dollars. A priori, ce serait plus proche des 900 000. Tout ce que je sais du tournage, c'est que le décor de l'église qui est utilisé dans une scène a dû être construit plutôt que de tourner dans une vraie église, car le réel aurait reçu des menaces de mort d'un groupe catholique qui aurait même déposé un animal mort devant chez lui. Mais c'est le seul incident pendant le tournage, il n'y aura rien de plus. Pardon. Voilà, c'est... Je sais pas, c'est sympa. T'as jamais fait ça, déposer un animal mort devant les gens que t'aimes pas? Mais du coup, je vois pas en quoi déposer un animal mort quelque part, c'est vraiment catholique friendly. Dans la mesure où les animaux sont quand même très moyennement pris en compte dans plein un de vision de la religion catholique, ça me surprend pas. Ah, c'est pas fou. C'est les propos. Déjà, on sait que les propos de tolérance envers les humains sont quand même très limités selon les humains. Oui. Mais les animaux, il y a pas mal de visions de la religion catholique où l'animal est inférieur à l'homme et où donc on peut se permettre d'en faire quasiment ce qu'on veut. Totalement triste. Ouais. Non, mais ok. Mais le tournage s'achève malgré ça sans trop de problèmes, avec une photographie de Levi Isaacs, déjà directeur photo à l'époque sur des trucs comme le premier Leprechaun ou Combustion spontanée de Tobe Hooper, qui est vraiment pas un bon film. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Ah, il est pas bien du tout. Ah ouais ? Après, bon, Tobe Hooper, quoi. Ouais, mais même à l'échelle de Tobe Hooper, voilà. Voilà. On peut pas dire qu'il ait une carrière faite... de films incroyables tout du long, quoi. Ouais, non, on peut pas dire ça, effectivement. Et par la suite, Levi Isaacs, il travaillera sur plusieurs épisodes des Contes de la Crypte, ou pas mal sur Malcolm. Malcolm, c'est une série qui me fait pas rire et qui m'angoisse pas mal, donc je le classe aussi dans l'horrifique. Ça fait partie des séries que je n'ai jamais vues. Moi, ça me met ultra mal, Malcolm, le côté sitcom, où je comprends pas où est la blague et où il y a des gens qui rient quand même. Mais, voilà. C'est... Typique sitcom, malheureusement. Ouais. Mais ça a semblé marquer une nouvelle orientation dans sa carrière, parce que alors qu'il faisait surtout de l'horreur et du film de genre avant, là, après, il s'oriente principalement vers la comédie. On peut mentionner Lolita malgré moi ou Fait malgré lui 2, la suite du film avec The Rock, sauf qu'il n'y a pas The Rock dans la suite. Ah voilà. Oui, c'est triste. La musique est de Daniel Licht, né en 57 et mort en 2017, qui s'est lancé dans la musique de film sur suggestion d'un ancien camarade de classe, Christopher Young, compositeur qui a eu une bien plus belle carrière et dont on avait déjà parlé puisque c'est lui qui fait la musique de La Part des Ténèbres. En 92, il venait de commencer sa carrière et faisait très majoritairement des BO d'horreur, mais en fait on l'a déjà rencontré puisque c'est lui qui a fait la BO de La Peau sur les os et on le reverra sur le troisième Démon du Maïs puisque c'est le seul... je crois qu'il a fait en entier la BO de deux films, Démon du Maïs. J'ai hâte. Après, sa BO en fait un peu trop sur les chœurs, surtout, mais je trouve pas qu'elle soit catastrophique. Elle fait par rapport à plein de trucs qu'on a entendu. C'est juste que, c'est ce que j'ai noté, par moments, ça fait très, très BO de RPG japonais. Oui. Mais même pas plutôt de RPG japonais contemporain qui aurait pas le budget de prendre l'orchestre, ouais. Il y a des moments, normalement, ça faisait des vibes Secret of Mana, j'ai trouvé. Oui, je peux voir en quoi, sauf que c'est plus original, Secret of Mana, donc... Oui, bah clairement, oui. C'est bien mieux. Ouais, largement. Mais voilà, il fait un travail que je trouve correct, et on a eu tellement de BO moins bien que je me dis, pourquoi pas. Encourageons l'effort. Donc le film, comme je disais, est distribué par Dimension Film, la branche de Miramax qui venait d'être fondée pour produire un peu plus du cinéma de genre, parce qu'à l'époque, Miramax avait totalement l'image d'une compagnie qui produit du cinéma d'auteur un peu exigeant. Donc aller produire Les Démons du Maïs aurait fait un peu tâche dans leur CV. Le film sort le 29 janvier 1993, ce qui veut dire qu'il y a pas mal d'écart quand même entre le tournage et la sortie, et rapporte un peu moins de 7 millions de dollars aux États-Unis, mais rappelons-nous que c'est un budget qui... a priori serait d'un peu moins d'un million, donc c'est quand même un très très gros succès par rapport à son budget. Et en fait, c'est une des adaptations de King les plus rentables. Ça peut faire peur. Ouais. Il a actuellement 2 étoiles sur Allociné, ce qui le place 70e à égalité avec You Can't Kill Stephen King, Cimetière 2, Maximum Overdrive et Les Enfants du Diable, et 30% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 62e à égalité avec les Tobinokers. On peut mentionner qu'il existe 2 versions du film, puisque la version internationale est très légèrement différente de la version US, qui contient une séquence en plus d'une trentaine de secondes. C'est vraiment pas grand-chose. C'est au moment où Mika se fait posséder par l'esprit du maïs. Dans la version US, il se fait entraîner dans une sorte de trou sans fond des enfers où son corps se décompose et se recompose, dans une débauche d'effets spéciaux grandioses qui rappelle un petit peu le cobaye. En fait. Waouh. T'as eu la chance de voir ça ? Je suis allé chercher. Ah. Parce que sinon, j'avais vu aussi la version française, moi. Mais quand j'ai appris qu'il y avait un extended cut, penses bien que je suis allé regarder. T'as dit, je ne peux pas continuer de vivre sans avoir vu ça, c'est pas possible. Bah, je suis professionnel, je veux donner du contenu à notre public. Oui, bien entendu. La fin originale aurait dû être différente, mais n'est pas tournée pour des questions de budget, d'où la fin qu'on a là, vraiment la toute dernière scène. À la base, ça devait être John qui passe un appel à son journal depuis une cabine téléphonique et se fait avaler dans le sol. Et bah, on discutera de la fin qu'on a eue à la place. Et s'il y avait eu un gros écart entre les deux premiers films, puisqu'il y a 9 ans entre Les Démons du Maïs 1 et Les Démons du Maïs 2, alors que ironiquement, c'est les deux seuls films qui se suivent directement de toute la saga. À partir du 3, la saga va accélérer puisque le 3ème sort un an plus tard et qu'après, pendant quelques années, en fait, le temps que dure la saga principale, les films sortiront relativement vite. Ça s'espacera à nouveau à partir du moment où on entrera dans les remakes, les Genesis, les Runaways, etc. etc. Et là, ça fait déjà 2 ans qu'on n'a pas eu de Démon du Maïs, bientôt 3. Et il s'est passé plein de trucs depuis, dont la réélection de Trump. Je me demande si le monde ne part pas à volo à cause de ça, tu vois. Oui, ouais, c'est ça. L'absence du monde. Maïs. Le monde a besoin de la saga des Démons du Maïs, sinon tout s'écroule. C'est une question d'équilibre, de karma, il doit y avoir des trucs. Oui, c'est l'équilibre dans la force, tout ça. Voilà, c'est ça. Mon Dieu. Mais donc, les Démons du Maïs 2, voilà tout ce que j'ai à en dire. Bah voilà. Passons à la suite. Quand faut y aller. Hein. Il faut qu'on ait une petite discussion. Bon, j'ai très bien compris que tu n'avais aucune envie d'être en ma compagnie, alors ça me paraît très clair. Seulement, je vais t'avouer un truc. C'est pas une partie de plaisir pour moi, alors je te conseille de ne pas m'emmerder. J'adore ce genre de discussion entre père et fils. Non, s'il te plaît, essaie de me faire plaisir. Pourquoi ? Pourquoi, toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Ah oui, tu as fichu ma mère enceinte. Et je suis arrivé, moi. Arrête et écoute-moi. Ta mère et moi, on n'a jamais réussi à bien s'entendre. On était trop différents. Et qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans, moi? Toi, tu n'as rien arrangé. Enfin, ta présence n'a rien arrangé. Je vais pas te balancer des mensonges. À l'époque, j'avais 17 ans et j'ai commis une erreur. Alors maintenant, démerde-toi. Moi, j'essaie toujours de comprendre. Alors, si t'arrives à t'en sortir mieux que moi, c'est parfait. Mais je sais une chose, on ne peut compter que sur soi. Alors maintenant, fais ton choix. Ben alors, si j'ai le choix, je prends le bus et je fiche le camp. Non, attends, hé, reviens ici! Ayez crainte, tout va s'arranger. Non, non, ça s'arrangera pas tant qu'il aura pas fait une connerie, rien que pour m'emmerder. Croyez-moi, il va revenir. Du coup, je t'écoute, donne ton avis. C'était très très nul. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, c'était nul, c'est... Alors j'allais dire globalement mal joué, bon bah malheureusement je n'ai pu voir qu'une version française, pas de VO, donc je n'ai pas la chance d'avoir entendu les acteurs jouer, mais plutôt des doubleurs doublés. Ouais, alors j'aurais pu voir la version anglaise, pour ce jeu, du coup je l'ai trouvé, mais je m'en suis tenu à la version française pour ce... J'étais pas sûr que ça aurait été bien meilleur, tu vois. Oui voilà, c'est ça, c'est surtout ça, c'était le point sur lequel je voulais assister. C'est globalement mal réalisé, il y a un éclairage tout pérave, et ça on en reparlera parce que du coup certaines scènes sont immondes à cause de ça. Puis bah voilà, ça manque de rythme, ça manque de tout quoi. Il y a quelques bonnes idées par-ci par-là, mais on en reparlera, mais le problème c'est qu'elles sont totalement pas du tout mises en avant, et surtout clairement rabaissées dans la qualité que ça aurait pu obtenir à cause d'une réalisation totalement bâclée. Et puis voilà, c'était nul. Ouais, c'était pas bien, mais en fait, par rapport au souvenir que j'ai du premier, tu vois, je trouve ça mieux, moi. C'est-à-dire, la différence, c'est que c'est nul, mais qu'il se passe plus de trucs. Ah oui, clairement. Donc au final, je suis un peu plus diverti. Il y a même trop de trucs qui se passent, hein, parce que l'intrigue part complètement dans n'importe quel... dans tous les sens, et ça se réunit très mal, toute cette histoire. Il y a plein de trucs qui se connectent pas, de trucs inutiles, voire ridicules. On y reviendra. Mais au moins, je suis un peu surpris, tu vois, par moment, par l'originalité de la nullité. Après, effectivement, c'est pas très bien réalisé. Il y a 2-3 mises à mort un peu rigolotes. Oui, voilà. Les personnages sont détestables. Il y en a une qui est rigolote parce qu'elle est ridicule, hein, attention. Oui, bah c'est rigolo quand même. Écoute, on fait avec ce qu'on a. Oui. Mais ouais, par contre, les personnages sont vraiment, vraiment désagréables, à commencer par le protagoniste, qui est absolument odieux tout du long. Le père ou le fils? Le père, surtout. Ouais. C'est-à-dire le fils aussi, mais le fils, il a un père qui est tellement un connard que je l'excuse un peu, tu vois. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est pas bien, mais je trouve pas ça absolument désespérant, on va dire. On est d'accord. Donc, comme on dit, le film se passe directement dans la continuité du premier. Il y a des gens de l'extérieur qui viennent de découvrir Gatlin, où il y a eu tous les massacres. Ouais, tous les adultes massacrés par les enfants. Voilà, c'est ça. Ils découvrent des cadavres, etc. On apprendra au détour d'une conversation qu'il y a un couple de voyageurs qui ont pu alerter la police et les autorités, donc on peut supposer que ce sont les personnages du premier. Oui, c'est ce que ça laisse supposer, effectivement. Là, il y a une des seules bonnes idées de réalisation du film, je trouve, c'est un des premiers plans sur les journalistes où on le voit d'abord en face cam, tu sais, comme si on voyait à travers la caméra. Oui. Qui va diffuser à la télé, sauf qu'après, ça dézoome et ça s'élève par un mouvement de grue pour devenir une caméra extra-diégétique, et là, on voit la caméra qui est en train de filmer le journaliste. Oui, le plan est bien travaillé. Le plan est pas mal, tu vois. Ils se sont dit, c'est un de nos premiers plans, on va faire un petit effort, comme ça, on pourra se permettre de torcher quasiment tout le reste. Voilà. C'est dommage, du coup, de foirer la vraie première scène du film, à savoir la découverte des cadavres dans une scène ultra mal filmée et surtout ultra mal éclairée. Parce que la scène aurait pu être vraiment inquiétante, quoi. Ouais, je trouve qu'on va souvent sentir que le film s'auto-censure au niveau de l'horreur, hein, parce qu'il veut mettre des trucs qui sont des idées pas mal gore, sauf qu'il n'y en a aucune qui va aller très loin dans la démonstration. C'est ça. Ensuite, on va découvrir le père et le fils. Oui. Donc, je te laisse te présenter un peu. Qui sont sur la route toute la sainte journée. Lol. Qui s'engueulent sur le chemin. Et alors, je sais pas si c'est voulu, hein, mais moi, ça m'a du coup rappelé l'arrivée du couple dans le premier film et dans la nouvelle aussi, qui du coup s'engueulent eux aussi sur le chemin. Et effectivement, ouais. Ah, t'avais pas relevé du coup. Non, j'avais pas tilté, mais effectivement. J'ai l'impression que les gens qui s'engueulent en voiture, c'est un truc qu'on a pas mal retrouvé dans la saga. Oui. Effectivement, peut-être en hommage à la nouvelle. Et donc voilà, ils se rendent dans cette ville, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs. Alors, ben, je comptais te poser la question justement parce que j'ai pas compris, parce que je vois pas ce qu'ils auraient à foutre là-bas. Mais en même temps, John est surpris quand il croise ses collègues qui lui disent « Gna gna gna, il y a eu un massacre à Gatlin, donc a priori, il va pas là-bas parce qu'il était déjà au courant de, ah oui. Des événements, il va juste en profiter. » Mais du coup, je ne comprends pas pourquoi il allait dans ce bled. Mais en fait, possiblement, ils y vont pas, c'est juste c'était sur leur chemin parce qu'ils faisaient un truc, puis voilà, ils partaient en randonnée entre père et fils, je ne sais pas. Bah, ils partaient pas en randonnée vu que le père dit aussi qu'il emporte le fils sur son travail et que ça le fait chier. Ah bah oui, exact. Donc il allait à un truc professionnel, mais je ne sais pas quoi. On sait juste qu'il s'embrouille parce que la relation père et femme, donc la mère du gamin, bon, ça va pas trop. Ouais, bah tu m'étonnes qu'elle se soit barrée. Et le gamin le reproche un peu beaucoup à son paternel, et il a raison, vu le comportement de l'autre con. Oui, parce qu'on peut anticiper sur leur relation. Plus tard, le père va quand même clairement dire au fils qu'il l'a eu trop jeune, qu'il le désirait pas et qu'il lui a gâché la vie. Voilà. Donc, à la limite... On peut le penser, mais on n'est pas obligé de le dire, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je sais pas, à partir du moment où t'as l'enfant, quoi, t'assumes. Enfin, tu lui dis surtout pas qu'il a gâché ta vie, en tout cas. Bah non, non. C'est pas le genre de choses qu'ils se disent, normalement. Mais donc voilà, le père sera très désagréable tout du long et donc ça va pas être très sympathique de le suivre parce qu'à la limite, ce serait juste un père maladroit. Tu pourrais t'attacher à lui oui. Et te dire il va changer, sauf que là, c'est vraiment un père connard, quoi. Il est vraiment méchant, donc... Oui, c'est vraiment un sac à merde. Y a pas d'autre mot. Ouais. Il croise donc des collègues qui se moquent de lui parce qu'a priori, en tant que journaliste, il est plutôt nul. Ouais, on veut bien les croire. Oui, oui, il a pas l'air très doué tout le long du film, effectivement. Pendant ce temps, les enfants se font répartir dans différents foyers, donc d'Hemmingford, malgré une vieille professeure qui va dire des avertissements, ses enfants sont démoniaques, etc., etc. Ouais. Et en même temps, alors... Personne ne l'écoute. Oui, à la limite qu'on ne croit pas le fait qu'elles disent ils sont démoniaques, ils servent Satan, tout ça, ok. Mais littéralement... Toute la ville au-dessus d'un certain âge a été retrouvée morte. Oui, voilà. Je suis désolé, moi, les enfants, je les envoie pas directement en famille d'accueil. Je fais un minimum une enquête avant. Ah, c'est ça. C'est ça qui est très étrange. Ouais. Tout le monde s'en bat les steaks alors que, littéralement, ils ont retrouvé tous les cadavres de tous les adultes, quoi. Bah ouais, là, y a un petit manque de prudence. Un suivi psychologique me paraîtrait nécessaire, quoi. C'est ça. À la limite, t'enfermes tout le monde, la vieille y compris, quoi. Comme ça, au moins, t'es sûr. Oui, voilà, c'est ça. Qualité en passant, évidemment, comme dans quasiment tous les démons du maïs, Enfin, c'est censé être des enfants, mais ils sont beaucoup trop vieux. Oui. Les acteurs choisis sont beaucoup trop vieux, c'est ça que tu veux dire. Oui. Et puis même, le peu de fois où on donne l'âge des personnages qu'on voit, en fait, ils sont à genre un an, quelque chose comme ça. De l'âge où ils vont être exécutés, donc c'est un peu ridicule à ce niveau-là. Il n'y a aucun vrai enfant. Oui. Contrairement à la nouvelle. Parce que c'est plus dur à diriger et qu'il y a des lois qui encadrent le travail enfantin, je pense que c'est ça. Oui, je pense aussi. Mais oui, alors que dans la nouvelle, c'est vraiment des enfants. Ouais. Du coup, John va aller avec son fils à Hemmingford pour enquêter sur ce qui s'est passé à Gatlin. Il y a ces deux collègues qui vont mourir. Je laisse nous l'écrire ce superbe moment. Ah, alors, ils sont dans le champ. Ils sont dans le champ de maïs. Et là arrive la preuve flagrante du changement climatique. Puisqu'il y a un microclimat qui apparaît juste au-dessus d'eux sous forme d'un énorme nuage qui annonce une tempête. Et tout d'un coup, c'est le bordel. Et il se passe des choses. Et la caméra bouge partout. Et on a la vision en POV d'une créature qu'un... Comment dire ? Une vision à mi-chemin entre un chat bourré et un prédateur sous coke. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et on comprend rien, et il y en a un qui meurt, et l'autre, il se prend un javelot dans la gueule. Voilà. Bah, je pense qu'il en meurt aussi, hein, du coup, mais... Oui, du coup, oui. Mais très beau lancer de javelot, cela dit. Oui, ils ont peut-être engagé quelqu'un qui pour lancer le javelot. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vraiment une scène, mais c'est... On comprend rien, quoi. Il n'y a rien qui va dans cette scène. Bon, au-delà oui, du, non, au-delà elle du est... nuage. Au-delà du nuage dégueulasse, parce que ça a mal vieilli. Peut-être qu'à l'époque, ça rendait bien. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Il est pas, c'est pas un vrai nuage. Hein. On sent les effets spéciaux un peu. Mais c'est parce qu'on a l'œil, ça. Hein. Si, oui, sinon, voilà. C'est presque invisible. C'est ça. Comme la créature, quoi. Non, mais c'est, oui, c'est vraiment... C'est vraiment dégueulasse. Mais je pense que ça l'était déjà à l'époque, non ? Oui, parce que je viens de vérifier, c'est quand même un film de 1992. Effectivement, bon. Faire un nuage correct, à mon avis, c'était faisable. Pour reprendre le running gag de Karim Debbache, c'était un an avant Jurassic Park. Quoi. Ouais, ouais, voilà. Et à mon avis, c'est plus simple de faire un nuage qu'un dinosaure. Je pense aussi, oui. Quoi qu'il en soit, c'est plus simple de faire une vraie vision de créature, quoi. Pas un truc qui ressemble à rien comme ça, quoi. Bah ouais, parce qu'on dirait qu'ils veulent reproduire un peu les trucs, tu sais, à vision de chaleur, sauf que c'est le maïs qui est le plus éclairé. Alors, ça peut souligner que le maïs est démoniaque, mais il n'est pas à 200 degrés quand même, le maïs, normalement. Donc... Bah, logiquement, non. Bon. Et là, pour le coup, Predator, bon, bah, c'est sorti bien des années avant, vu que c'est 87, de mémoire. Oui, et puis ces effets-là, normalement, c'est pas très dur à faire. Hein. Oui, c'est même, chose même est... avant Predator, on savait le faire. Oui, voilà. Normalement, on maîtrise. Ouais. Normalement. Mais, bah, voilà, il y a cette scène, et puis, bah, vu qu'on s'en fichait de ces personnages et que c'est mal fait, on s'en fiche un peu. Bah, et puis, de toute façon, tout le monde s'en fout, vu qu'à aucun moment, c'est énuméré. Hein. Non, bah, non, vu que quasiment personne savait qu'ils existaient, ces deux gens. Voilà, c'est ça qui est incroyable. Mais du coup, en fait, tout ce qu'on vient de voir ne sert à rien, ça n'a aucune répercussion. C'est pour nous montrer qu'il y a des trucs dans le maïs. Waouh. Des fois qu'en allant voir un film appelé Les Démons du Maïs, on s'y attend pas. Tu me diras, il y a tellement de films Les Démons du Maïs où il n'y a ni maïs ni enfant que. Oui, c'est vrai que bon. On va faire le rappel, ouais. Et au bout d'un moment, il pourrait très bien faire un Démon du Maïs où la bestiole pop dans un champ de betteraves. Ça choquerait personne. Mike, lui, va arriver avec son fils. Donc, et ils vont se mettre dans une chambre chez l'habitant parce que Mike se dit autant draguer au passage, hein, globalement. Oui. Ça va être ça. Il va commencer à enquêter, à rencontrer des gens un peu autour des survivants de Gatlin, John, pardon, dont Mika, qui va pas lui dire grand-chose. Et voilà, il va commencer sa petite enquête nulle de son côté. Oui, voilà. Mais vraiment une enquête nulle. Hein. C'est vraiment le journaliste bas de gamme qui a juste un petit stylo et son petit calepin, là, qui prend des notes. Ouais, qui est vraiment pas bon tout du long. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, quoi ? À aucun moment, tu ne peux penser que c'est un journaliste. Ah ouais, tu comprends pourquoi il y a un mauvais poste. Un journaliste pour le magazine Détective, à la rigueur, mais c'est tout, quoi. Ouais. Et encore, on avait eu Les Ailes de la Nuit avec un journaliste dans un truc façon Détective, et il était meilleur. Oui, c'est vrai. Après, tu me diras, c'était déjà une bien meilleure adaptation. Oui. Une bien meilleure nouvelle, même, d'ailleurs, tout court. Aussi, oui. Mika, donc l'adolescent, est attaqué dans le maïs par une sorte de démon. Donc c'est là qu'il y a la scène à effets spéciaux en plus dans la version américaine. Et c'est comme ça qu'il va devenir le nouveau leader des oui. enfants. Une scène à effets spéciaux où tu découvres que du coup la créature est aussi capable de lancer des éclairs. Voilà, c'est pas le patine, on ne sait pas trop. Ouais. Je crois qu'on en avait eu un autre où la créature lançait les éclairs. C'était pas dans le 5. Ah, c'est fort possible. Faudrait faire une liste des pouvoirs du démon du maïs. Je t'avouerais que tout se mélange. Bah déjà, il lance bien les javelots. Oui. Ça, c'est pas mal. Ouais, mais ça, normalement, c'est faisable par un humain, tandis que lancer les éclairs... Oui, c'est vrai. Pas trop. Ou alors, on nous cache des choses. Ouais. Oui, Dan avait voulu se barrer, mais finalement, il n'avait pas réussi à choper le bus. Et puis, bah voilà, du coup, il rentre hein, et il tombe alors, sur... Alors, c'est quand même incroyable parce que, du coup, l'arrêt du bus, il est vraiment, littéralement, allez, 10 mètres, avec disons 15, de la maison. Et pourtant, il arrive à tomber sur les gamins qui sont dans un champ, quoi. Quand t'as pas le sens de l'orientation... Ouais, enfin bon, quand même. C'est une ligne droite. Oui, bah ça arrive. Mais non, mais y a qu'en clignant les yeux, normalement, que tu perds ton objectif de vue. Là, ouais, quand t'as une mauvaise vue, il a peut-être une très mauvaise vue qui a jamais été corrigée, son père est tellement pourri. Non, mais ce n'est pas une attaque contre toi, Issam, je sais très bien que dans un couloir, tu te perds. Là, tu avoueras que c'est quand même assez ridicule. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Surtout qu'en plus, vraiment, il met 10 000 ans, quoi. Juste à tomber sur les gamins dans le champ, il met 10 000 ans. Donc, il n'a pas eu le temps de faire qu'un seul aller-retour. Finalement, est-ce qu'il se perd ou est-ce qu'il se dit « Je veux pas retrouver mon père, je vais aller marcher dans le maïs pour me défouler façon homme, seul face à la nature » et qu'il se perd dans le champ de maïs. Alors, ce qui est un peu plus possible. Alors, moi, le film ne me le dit pas. Ça veut dire que ce n'est pas ce qui se passe. Ah ah! C'est la règle du cinéma. Si le film ne le dit pas, c'est que ce n'est pas le cas. Bah, toujours est-il que Mika va commencer à essayer d'embrigader Danny. Et on va voir qu'il va peu à peu avancer. Parce que comme son père est un connard, oui, voilà. Forcément, il est sensible aux arguments. C'est ça. Par contre, oui, il le dit clairement qu'il les a vus dans le champ. Et donc, c'est pour ça qu'il est allé les voir. Oui. Moi, concrètement, je vois une bande de gamins qui ont l'air un peu barjo faire kumbaya dans un champ de maïs. J'y vais pas, mais bon. Oui, bah ça doit être une question de sociabilité. C'est vrai. Je suis très sociable. Connard. Le lendemain, le père va voir l'ancienne prof, celle qui avait déjà averti, et elle crie sur des enfants, mais ne révèle pas grand-chose, et elle découvre qu'il y a une croix tracée avec un truc noir oui. sur un mur de sa maison. Dans ma note, j'ai indiqué « Les gamins dessinent des croix sur les maisons. » Ah oui, bah ça, ils sont démoniaques. Hein. Le journaliste, du coup, touche la croix en mode « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Mais qu'est-ce que c'est que cette substance ?»« Qu'est-ce que c'est que cette matière ?»« Mais c'est de la merde !» Non, c'est clouc. Non, c'est un truc, on ne sait pas ce que c'est. Lui-même ne sait pas ce que c'est, mais bon... Bah, Et quand on apprendra ce que c'est, on sera pas déçu du voyage. Il décide de s'en étaler sur le froc. Voilà. Oui, notez-le. Effectivement. Bah, il s'essuie les doigts pour s'essuyer les mains, ça, à la limite, le réflexe, je veux bien le comprendre. Fusil de Tchekhov sur 20. Oui. Alors, après, il y a la scène où Danny tombe sur la fille qui est en train de se doucher de manière très naturelle à la cascade. Oui. Elle se lave les cheveux. C'est ce que font toutes les adolescentes à la campagne où il y a un point d'eau. Elles jouent les naïades sur le bord de la route, c'est évidemment. Lui, du coup, il mate. Elle voit qu'il mate, alors ça dragouille un peu. Oui, de toute façon, la scène n'est pas faite pour grand-chose d'autre que mater, on va pas se mentir. Voilà. Bon. Mais ce qui m'a vraiment beaucoup fait sourire au visionnage, c'est que du coup, il mate, elle le voit, elle l'aguiche un peu, tu vois, ça dragouille. Et juste après, cut, et tu vois en gros plan un prêtre en train de hurler « La fornication !» Oui, je l'ai noté aussi. « La fornication, c'est la peste, mes frères !» Le cut est rigolo, pour le coup, oui. Et vraiment, pour le coup, c'est drôle. Je sais pas si c'est voulu, mais c'est drôle. Oh, je pense que c'est voulu, oui, là, quand même, ouais. Donc, il y a le prêtre qui s'énerve. On y reviendra un peu sur le prêtre et sur le reste de la ville. Oui. Et il y a la mort de la prof, après. Ouais, qui est une mort plutôt originale, je trouve. Effectivement, je te laisse nous raconter, mais l'idée est plutôt bonne. Alors, il me semble qu'elle perd son chat. Du coup, elle décide de partir à la recherche de son chat, elle sort de chez elle. Nanana. Sa maison étant montée sur... comment ça s'appelle ces installations comme ça, des espèces de pilori Des pilotis, c'est ça. Des pilotis, sauf que bah, du coup, normalement... C'est au-dessus d'une source d'eau, sauf que là, bon, c'est pas le cas. Bon, bref. Alors, je crois que ça peut être le cas dans les endroits où le terrain est particulièrement meuble ou inondable. Ah ouais, dans ce cas-là, tu construis ta maison sur pilotis pour mieux gérer les éventuels déplacements. Pilotis, pilota, voilà, c'était histoire de la placer. Donc, elle va sous sa maison pour chercher le chat. Le chat qui était vraiment planqué sous la maison, le problème, c'est que les gamins, ils arrivent. Ils chopent le chat, heureusement ils ne lui font pas de mal. C'est quand même des bons gamins. Ouais. Mais l'un d'eux décide de débrancher l'appareil qui maintient la maison en hauteur. Et la maison s'abaisse au fur et à mesure et finit par écraser la mamie. Voilà, c'est triste. Ouais. Mais pour le coup, c'est une mise à mort très originale. Oui, ça c'est très original. Je trouve pas que ce soit particulièrement bien filmé, mais l'idée est chouette. Non, en fait, ça fait partie, comme je l'ai dit au début de l'épisode, de ces mises à mort qui sont originales et qui auraient pu donner quelque chose de bien si ça avait été quelqu'un de doué derrière la caméra. Ouais, c'est ça. Il y a une autre mort plus tard comme ça dans le film que je trouve aurait pu donner quelque chose de vraiment bien avec un meilleur habillage. C'est celle qui suit d'ailleurs, celle-là. Mais bref. Ouais. À noter que les maisons sur pilotis, dans mon souvenir, on en construit aussi dans les endroits où il y a énormément d'insectes rampants. Parce que ça permet de, d'isoler un peu la maison de ça. Ah oui. Donc voilà. Ok. Donc la prof est dead. Et on enchaîne pas longtemps après sur la scène de l'église où une deuxième personne va mourir. Ouais. Et donc j'imagine que c'est celle-là dont tu dis qu'elle est pas mal aussi dans l'idée. Oui, oui, oui, dans l'idée elle est vraiment bien. Bah, du coup, à toi de la raconter. Mika qui a une sorte de poupée en bois, mais qui évoque une poupée vaudou, qui va commencer à la raboter avec un couteau en commençant par attaquer le nez. Et du coup, l'homme va commencer à saigner du nez, puis à saigner de plus en plus de tout le visage et de partout jusqu'à les oreilles, d'hémorragie. Les ouais. Et effectivement, c'est pas mal fait. Et là, c'est mal filmé, mais je trouve que sonorement, il y a un petit truc qui marche parce que le prêtre, lui, continue son sermon pendant une plombe. Oui. Il ne fait pas du tout attention à ce qui se passe. Ouais. Donc, je trouve que ça marche un peu, effectivement, cette scène-là. Ouais. C'est dommage que l'habillage musical soit un peu trop grandiloquent parce que c'est un moment où il y a des chœurs. Ouais. Et pour le coup, c'est un peu trop. Ça aurait gagné à être un petit peu plus subtil en termes de sonorité. Mais sinon, oui. La mise à mort en elle-même, pour le coup, est elle aussi originale. Et voilà, bah, malheureusement, derrière la caméra, il y a un manche qui fait n'importe quoi, quoi. Et la photo est pas top non plus dans cette scène. Et en plus. Donc oui, les deux combinés, c'est pas top. Encore une dispute ? Ouais, encore, ça va, c'est rien. Tu sais, Danny, j'avais les mêmes problèmes avec mon père avant. Les adultes ne sont que des hypocrites. C'est fou, mais le jour où on atteint 19 ans, on devient ainsi. C'est-à-dire ? Avec mon père, si j'écoutais la radio, je pêchais. Si je parlais aux filles, je pêchais. Et chaque péché amenait une punition. Il fallait chasser le démon. Et un jour, j'ai trouvé mon père dans les bras d'une autre femme. Et il pêchait avec ardeur. Michael, qu'est-ce que ça t'a fait que ton père soit tué ? La Bible nous a enseigné que chaque chose vient en son temps. Là, je vois dans mes notes qu'est-ce qu'il y a comme plan en vue subjective du démon du maïs. Et effectivement, il y en a un peu partout. Ils ont leur idée, ils l'exploitent à mort. Ouais, toujours avec cette vision un peu dégueulasse. Ouais. John, lui, va aller dans l'école abandonnée pour faire ses fouilles et il va trouver des étranges dessins. Et c'est là qu'il va rencontrer le vieil indien. Ouais, personnage ultra cliché, hein, le vieil indien qui connaît toutes les prophéties sur le bout des doigts. Il sait très bien ce qui se passe, mais il veut rien dire pour l'instant. Il se barre. Ouais, mais c'est dommage parce qu'on sent qu'en même temps, ça essaie de jouer un peu de ses clichés. Genre, non, il est professeur d'université et il dit que c'est des trucs qu'il a fait en faisant des recherches. Enfin, il y a une tentative de ça. Oui. Et pour le coup, il a une réplique qui m'a bien fait rire parce que quand il rencontre John, oui, John lui demande oui. Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Et le gars, il répond : ça, c'est bien une réflexion d'homme blanc, il a le droit de pénétrer où il veut, mais pas les autres. Oui, effectivement, moi aussi, j'ai bien apprécié la réplique. Pour le coup, un bon dialogue. Ouais. Un des seuls trucs qu'il va dire mystérieusement, c'est que c'est lié au Koyaanisqatsi, la vie déréglée. Lui, il avait vu le film Koyaanisqatsi avec la VO de Philip Glass et le scénariste a voulu se la péter en le replaçant. Mais bon, voilà, hein, c'est. On est cinéphile ou on ne l'est pas. Hein. Oui, ouais, c'est très bien, Koyaanisqatsi, j'aime beaucoup. Ah, puis Philippe Glass, c'est très bien aussi. Oui, aussi, oui. Il n'a jamais fait de... Ah ben si, il a co-composé la BO de Fenêtre Secrète en plus, oui. Glass. Eh oui. Mais il n'a pas fait de BO seul pour King. alors que j'aurais bien aimé. On aurait bien aimé Philip Glass, les démons du maïs. Pourquoi pas? Ah, c'est très bien. C'est la scène d'après où le fils commence à se faire encore plus manipuler Ouais, c'est ça. Juste avant, on a juste John qui se rend compte que le truc noir qui a servi à tracer la croix de la voisine, ça a traversé le tissu de son pantalon. Oui, oui. Ça pose pas plus de questions que ça, n'empêche. Ouais, non, bon, écoute. C'était peut-être pas un bon pantalon, tu vois. C'était peut-être pas de la qualité. C'est peut-être pas un bon journaliste, surtout. Peut-être, peut-être. Mais donc, oui, Mika manipule Danny. Oui, il lui dit quoi, déjà Il lui dit une phrase qui, justement, va lui revenir après. Sur les pêcheurs et tout ça. Le péché, commettre les péchés, voilà. Bon, que les adultes font les mêmes péchés tout le temps, je crois, c'est un truc comme ça, non? Oui. Mais il me semble que c'est un... Justement, il parle d'un péché en lien avec le fait de coucher avec quelqu'un, justement. Oui, oui. Il y a une histoire de péché de la chair dans cette histoire, de péché de la fornication... Qui touche peut-être particulièrement Danny, vu que son père vient de lui dire qu'il n'était pas désiré et que c'est juste un accident à cause d'un coup d'un soir, peut-être. Et du coup, quelques scènes après, ça va lui revenir. C'est vraiment quelques scènes après, entre ça et... Entre ce moment-là et la scène où ça lui revient, il y a juste le moment où, du coup, le père retourne voir l'Indien. Enfin, ouais, il voit le docteur aussi. Pour une scène tellement useless. Ouais, non, ça sert juste à découvrir que le docteur est collabo. Oui, voilà, c'est ça. Bien les autres. Mais oui, après, il retrouve l'Indien, effectivement. Tu me diras, la scène avec l'Indien, c'est juste une scène pour nous dire que c'est une prophétie qui existe depuis la nuit des temps et qu'elle est destinée à se répéter ad vitam aeternam. Ouais, super. Oui, avec le rocher qui amplifie le bien et le mal. Voilà. Alors, regardez, des peintures du Néandertal. Oh, ta gueule. Ah, franchement, quoi. Est-ce que les champs de maïs existaient au Néandertal, déjà? J'en ai aucune idée, j'ai pas fait la recherche. Il faudrait. Oh, putain, une préquelle au démon du maïs, mais à l'époque... Néandertalienne, incroyable. Bah, en fait, faut peut-être qu'il fasse comme Predator. Tu vois, tu fais des films, des démons du maïs, mais en changeant les époques, en changeant les lieux. Oh putain, ouais. Démons du maïs amérindien. Ouais, il y en a plein à faire. Incroyable. Un homme des cavernes qui se fait courser par le démon du maïs dans les grottes de Lascaux. C'est ça qu'on veut voir. Tu peux même en faire un en France. Hein. On a du maïs en France. Tu mets Christian Clavier dedans, t'as plein de potentiel. T'as un mec qui se fait courser dans les catacombes de Paris par le démon du maïs, incroyable. Ouais, je pense qu'on tient un truc. Hein. Appelle-moi les producteurs. Faut qu'on rachète les droits, à mon avis, ça coûte pas bien cher. Ah oui, oui. Le docteur se fait tuer par les enfants. Oui, dans une scène, je pense, l'une des mises à mort les plus mal filmées de tout le film, pour le coup. Oui. Oui, oui, bah déjà j'ai du mal à croire au fait qu'à coup de seringues vides on puisse tuer quelqu'un. Oui, des petites seringues, des coups de cutter, des petits coups de fourchette. Ouais. Et il est laissé avec une sucette dans la bouche, oui, parce qu'une scène plus tôt, il donnait une sucette à tous les enfants après les avoir examinés, sauf qu'ils ont 20 ans, mec. Oui. Ça va être un pédobère, hein, en plus. Bah non, mais à la limite, le docteur qui donne un bonbon aux enfants pour leur faire la piqûre. Je crois que quand j'étais petit, on m'a déjà fait le coup. Mais... Ouais, mais il leur fait pas de piqûre, là. Oui, non. Ouais, écoute. John et la femme qui lui louent la chambre ont une aventure. C'est la première fois depuis qu'elle lui a loué la chambre qu'on la voit, je crois, ce perso-là. Donc, Ouais, c'est fort possible, ouais. On sait rien d'elle, mais bah, ils ont une aventure. Hein. Voilà, c'est super. C'est à ce moment-là, du coup, que le gamin se remémore la phrase du péché de chair... Et que là, il vrille totalement et qu'il rejoint les gamins. Ouais. Alors, il rejoint les gamins, mais juste après, il va, on le voit avec sa copine dans le maïs. Oui, oui, oui. Et je revois mes notes. Ça tourne en romance adolescente mal filmée. Ouais, c'est ça. La scène est longue, hein, en plus. Pour le personnage à qui je me suis pas démesurément attaché. Il court dans les champs, là. Ouais, ouais, c'est le moment bucolique, un peu... Un peu Star Wars épisode 2. Ouais, un champ de maïs, doit y avoir plein de bestiaux. Les épis de maïs, c'est super haut, ça doit faire mal. Ça doit vraiment pas être agréable de coucher là-dedans, en vrai. Ah bah moi, j'ai noté, et du coup, il t'expliquera pourquoi j'ai noté ça. À deux doigts de faire crac-crac, entouré de cadavres. Oui, bah oui, parce que... Alors ça, il n'y en a pas dans tous les champs de maïs, à la limite. Mais normalement... Mais il se trouve que dans celui-là, il y a plein de cadavres partout. Ce qui prouve que l'enquête de police a pas dû être fofolle quand même, parce qu'ils sont pas particulièrement cachés. Parce que l'explication faite par la jeune fille, c'est « Ah, c'est sans doute des cadavres qui n'ont pas été retrouvés lors de l'enquête. » Ah bah tiens, c'est pas comme s'ils étaient vraiment cachés, quoi. Oui, voilà, ils sont même pas vraiment enterrés, quoi. Ils dépassent totalement les machins. Tu te dis, bah merde, même les flics, on en a rien à foutre. Après, comme les flics font aussi partie du complot... Oui, mais ça, on le sait pas encore à ce moment-là. Oui, voilà, mais bon. Normalement, t'as 50 personnes qui sont tuées et qui disparaissent de la ville. Il y a la police d'État, au minimum, qui intervient. Il y a les fédéraux qui arrivent. Si ce n'est la police nationale, hein. Je pense qu'à un tel taux de massacre, même les fédéraux, ils estiment que c'est pas de leur responsabilité. Mais c'est juste après qu'on découvre le complot que cachait le village. Oui. Je te laisse nous l'expliquer. Il y a un rassemblement... des villageois, et puis c'est là qu'on comprend qu'en fait, tout ça, c'est voulu, c'est pour faire du business. Et puis voilà, c'est tellement peu crédible, en fait, comme séquence. Ouais. On dirait vraiment une réunion de super vilains, genre, on avait tout prévu, on va devenir riche. Alors, le plan des super vilains, c'est qu'ils ont du maïs pourri, et voilà. Du coup, ils le mélangent à du maïs frais pour le vendre, sauf que le maïs pourri, il dégage une toxine qui peut créer des délires et de la colère, etc. Voilà, puis du coup, ils se font cramer la gueule. Ouais. Coup sur coup, c'est quand même incroyable, ils sont là, ils formentent leur plan, t'as l'impression qu'ils dominent tout et que surtout, ils ont tout prévu. Seconde 2, les gamins arrivent avec des torches, ils leur foutent le feu. Je dis, pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir perdu tout ce temps à présenter tous ces personnages? Ouais. Il y a aussi la pote de la prof en maison de retraite qui se fait tuer avec son fauteuil roulant. Ouais, ça c'est après ça. C'est après ou avant ? C'est un peu avant, d'après mes notes. Et donc c'est celle-là, c'est une mort rigolote mais tellement ridicule. Parce que, les gamins, ils marchent derrière la petite vieille là qui est dans son fauteuil roulant, d'accord ? Ils la narguent avec une espèce de voiture électrique, tu te demandes qu'est-ce qu'ils foutent avec ça déjà ? Des espèces de gamins mormons, pourquoi ils ont un jouet électrique, bon bref. Il la nargue, elle s'énerve. Par la magie du Saint-Esprit, avec la manette, il arrive à contrôler le fauteuil roulant de la vieille. Bah ça, c'est le pouvoir du démon du maïs. Voilà. Pouvoir de contrôle des télécommandes de fauteuil roulant, tous les démons ont ça. Mais voilà, on se croirait dans Maximum Overdrive quand même là. Bref, il dirige la vieille au milieu de la route. Alors, et puis là, c'est une route, une grande nationale, hein, toute droite. Mais il y a un camion qui arrive, il la voit pas. Il la shoot. Et tu la vois s'envoler avec son fauteuil roulant toujours et traverser une vitrine et donc prendre la vitrine de plein fouet et crever comme une merde pour dire à quel point tout le monde a rien à foutre. T'as un personnage qui en fait est en train de faire un bingo et qui crie bingo à ce moment là rigolo ça. Et oui si bingo. Ah non, tellement pas, c'était tellement nul. Ça va. Ah, c'est tellement mal fait en plus. Oui, c'est mal fait, mais c'est vaguement rigolo. Ah oui, t'en es là, d'accord. Ouais. Ah oui. Alors, on n'a pas précisé, John et le prof indien, quand ils ont découvert le maïs pourri, ils ont été arrêtés, et du coup, ils sont attachés au milieu du champ de maïs. Oui, c'est vrai. Et on leur lâche un tracteur, un tracteur industriel dessus. Ouais. Enfin, une moissonneuse plutôt industrielle, je pense. Et alors que la moissonneuse est à 2 mètres au départ, ils vont quand même réussir à s'éloigner en y passant une bonne minute. Elle doit avancer très lentement, mais après, je fais pas d'agriculture. Si ça se trouve, ça avance réellement à moins de 2 mètres la minute, une moissonneuse. Ah, je sais pas à quelle vitesse ça peut aller un outil agricole comme ça. Tu veux, je peux demander l'information à une personne qui se trouve juste derrière moi. Ouais, demande l'info, on aura la confirmation en live. Une guest star en live, Mademoiselle Tsoum. Messieurs. À combien ça roule une moissonneuse-batteuse? Oh, une moissonneuse-batteuse? Ouais. À combien ça roule en vitesse? Ouais. Quand ça fauche? Ouais. Enfin, oui, quand fauche à ce moment-là. Ouais. Bah oui, vu qu'elle doit faucher les héros. 3-4 km/h? 3-4 km/h? 2-3, ouais. Ah oui, ça va pas vite. Ah ouais, pas plus de 5 km/h. Voilà, tu as ta réponse. Donc effectivement, d'accord, ça peut être crédible, du coup. Attends, je vérifie, parce que 2 km/h, ça fait combien à la minute Oui, voilà. Là, par contre, je suis pas mathématicien. Ouais, ça fait quand même 33 mètres par minute. Il n'y a pas 33 mètres hein, entre là où elle démarre et les deux gus. Oui, bah écoute, il faut bien qu'il se passe des rebondissements. Oui, on va dire que c'est pour la dramaturgie, admettons. Voilà. Alors que le vrai drame, c'est qu'on soit obligé de s'infliger ça, quoi. Oui. Bon, sachant que aussi, moi, je cherche à tuer des gens, je reste une minute de plus pour m'assurer que ça a marché, tu vois. Oui, non, mais ça c'est. Même si j'ai un rendez-vous urgent. Ça, c'est le côté stupide à chaque fois de tous les grands méchants qui te disent « Ah, je pourrais te tuer, mais je le ferai plus tard. » Ouais. Pendant ce temps, Danny est poussé à sacrifier sa copine Lacey par Mika. Et il va refuser de le faire parce que le pouvoir de l'amour est plus fort. Oui, voilà, c'est ça. Tourne-boulet dans le maïs, c'est plus important. Voilà. Au milieu des cadavres. Au milieu des cadavres. Il va y en avoir des frais en plus, ils vont avoir de quoi faire. Et là, c'est l'arrivée du grand final, c'est ça? Oui, oui, on entre dans le grand final. Le grand final, éclairé avec le cul, mal réalisé, il n'y a rien qui va, ça bouge de partout, tu comprends rien. Ouais, je dirais que c'est le grand bazar, final. Oui, c'est vrai. Joli, joli, joli. Ouais. Vraiment, on ne comprend rien. Dans toute la séquence, là, il y a des moments où tu ne vois rien. Alors, à mon avis, la qualité des enregistrements vidéo qu'on a vus doit jouer, mais quand même, quoi. Oui, bah, dans le doute, on prendra le remaster Blu-ray 4K, là, voir si c'est plus lisible comme ça. Non. Non, parce qu'il y a le montage qui joue beaucoup, hein. C'est le montage qui, je trouve, est très crade. Ah, le montage est dégueulasse. Parce qu'au final, dans cette scène, on sait même pas qui meurt et qui survit, quoi. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bah, alors, il y a le prof et John qui arrivent sur la moissonneuse pour sauver un peu tout le monde. Dan et Lacey vont s'enfuir. Le prof va se prendre une flèche, je crois, dessus. Ah oui, exact. Alors qu'il est dans la motionneuse. Ouais. Ouais, si on tire bien, on tire bien. Hein. C'est vrai. Et alors que tout le monde est recapturé, le prof a un dernier regain de vie pour écraser Mika avec la moissonneuse. Je crois que c'est ça. Oui. Et là, Mika, il était totalement en train de devenir Highlander. Hein. Il commençait à balancer des éclairs, etc. Enfin, c'était... Oui, c'était n'importe quoi. Mais voilà ce que c'est le final. Le méchant se fait tuer par une moissonneuse-batteuse. Et il commence à se transformer en démon. Moche. Oui. Et le démon aussi, en lui implose. Je crois que le plan où il se transforme en démon dure une ou deux secondes de plus dans la version, américaine du film. Waouh. Ouais. Et donc oui, le démon en lui implose. Vraiment, le visage, vraiment, il part en lambeaux et puis c'est juste, il retrouve son visage normal. Mais genre, il part en lambeau, je veux dire, vraiment, il explose, quoi. Oui. Avec des effets spéciaux dégueulasses. Et d'après une interview de l'acteur qui joue Mika, il a failli mourir sur cette scène-là. Ah bon ? Parce que c'était vraiment lui, en fait. Il n'y avait pas de moyen de mettre un cascadeur. Et du coup, il y avait vraiment des lames un peu partout. Et du coup, lui, il avait l'impression qu'il était en danger de mort en tournant la scène. Il n'y avait pas moyen de prendre de cascadeur. Non, non, surtout qu'ils n'avaient pas les moyens de prendre un cascadeur. Je pense. Je pense que c'est ça. Mais du coup, le résultat était le même. Ils ont pas voulu lui dire au gamin, en fait. Ouais, c'était son premier contrat. Ils lui ont dit tout tour, nous, t'es pas payé, hein, je pense, surtout. C'est fort possible. Ensuite, il y a cette scène qui m'a fait beaucoup rire, où il brûle le cadavre du prof indien au milieu Oui. du champ de maïs. Oui. Mais il a certainement de la famille, ce monsieur-là. Oui, c'est vrai que bon, pourquoi vous faites ça comme ça? C'est contacter ses proches, enfin, vous allez pas... Pourquoi vous faites une espèce de cérémonie viking pour... Oui. C'est bizarre. Tu sais, il y a vraiment le côté, bah, c'est... Oh, c'est un indien, c'est le côté hommage à la nature, tout ça, oui. Mais ça a jamais été dit qu'il était isolé, quoi, comme personnage. Et poussière, tu redeviendras poussière. Ouais, non, mais je pense vraiment que c'est un peu un truc un peu raciste, tu sais, genre, on renvoie l'indien à la nature, voilà, c'est ça. Et voilà, ça m'a fait rire, moi. Oui, rire jaune, par contre. Hein. Oui. Non, mais j'ai pensé aux héros qui se font arrêter deux semaines plus tard pour avoir, pour avoir profané le cadavre d'un mec avec toute la famille qui les déteste. Et peut-être le pige des démons du Maïs 3, tu sais pas. Peut-être, en vrai. Ah, on sera dans quelques numéros. Ouais. Vivement. Ah oui. Et on a la dernière scène... Enfin, alors que tout le monde se réconcilie, hein, le père et le fils se réconcilient, tout ça. Oui, mais on a la... Oui, bon, parce que je sais pas, échapper à la mort ensemble, j'imagine que ça crée du lien. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que c'est la toute dernière scène? Putain, je me souviens même plus. Avec l'Indien. Enfin, son fantôme, du coup. Putain, je me souviens plus. Ah, t'as oublié ça? Ah oui. Bah, t'as le fantôme du chef indien qui revient... enfin, là, pour le coup, vraiment en chef indien, il est même plus en professeur d'université, il est vraiment en costume d'Indien cliché, qui est à la pierre... à la pierre magique, là, qui trace un dessin pour dire « Tout est bien qui finit bien » et qui, après, disparaît dans le ruisseau. Je crois, j'ai dû fermer les yeux à ce moment-là. T'as peut-être coupé avant, parce que je crois qu'il y a peut-être un ou deux trucs de crédit avant, et t'as peut-être coupé immédiatement. Ah, peut-être. Ah, mais voilà, il y a cette scène. Il y a une scène post-générique incroyable. Ouais, qui ne resservira pas, je crois, dans la suite. Hein. Je crois pas qu'il y ait l'histoire du tout de pierre magique dans le 3. Bah, après, le sacrifice final, quoi. Donc, est-ce qu'un 3 était prévu de base? Non. Voilà. Ah, déjà, un 2 était pas prévu, donc. Oui, déjà. Je pense vraiment que c'est la saga la plus improvisée au monde. Hein. À chaque opus, ils se disaient que c'était potentiellement le dernier. Incroyable. Incroyable, quoi. Alors, merci à Rimini de ressortir tout ça, quoi. Lol. Non. Oui, je comprends pas l'idée, mais bon, bah c'est... 40 balles, hein. 40 balles, cette merde. Hein. Le coffret Blu-ray, là. Ah ouais? Ouais, ouais, 40 balles. 30 ans en DVD. La vache! Le coffret est joli, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Visuellement, il est pas moche. Oui, oui, mais bon, les films à l'intérieur, je pense voilà, que même en version remasterisée, ils sont relativement dégueulasses visuellement. Mais vous mettez pas 30 encore une fois, à moins que le troisième soit un chef-d'œuvre. Ouais, est-ce que je doute? Ouais, voilà, j'en doute un peu. Donc, bah voilà. Ouais. C'était les démons du maïs 2. Et c'était vraiment de la merde. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, on va vous diffuser une petite scène, quand même, histoire de... Oui, il n'y a pas de lecture, mais on peut vous faire une petite scène. Les chansons des airs et la récolte est bonne. J'ai fait le plein de sang et mon moteur fonctionne. La lune en Saturne, la finale sera joyeuse. Je te laisserai les commandes. Partons en moissonneuse batteuse. Donc, on a choisi une scène qu'on vous a déjà évoquée, qui vient juste après la scène à la cascade où les deux ados se retrouvent et où on a le prêtre qui fait un sermon sur la fornication. Et voilà. Tu vas rester là longtemps ? Tu n'as jamais vu une fille se laver les cheveux ? Non, non, j'avais jamais vu une fille se laver les cheveux. La fornication, mes frères, c'est la peste. Regardez-vous très attentivement. Observez-vous au plus profond de vous. Vous êtes peut-être atteint par cette maladie honteuse. Avant de la vaincre, il faut savoir la reconnaître. Dans notre petite ville d'Hemmingford, nous venons d'être témoins d'une tragédie. Le Seigneur a jugé bon de rappeler à lui nos bons voisins de Gatlin. Voilà, on vous a mis la scène parce qu'on la trouve un peu rigolote. Oui, pour le coup. C'est l'une des rares fois où le film a une vraie volonté de faire quelque chose et où il y arrive. Voilà. Oui, donc c'est ça. Il faut quand même le saluer. Mais je me dis vraiment qu'il y a plusieurs endroits où le film se veut comique, un peu drôle. Oui, bah, la mort de la vieille en fauteuil roulant, je surjouais tout à l'heure. Bien entendu que c'est voulu que ce soit drôle, mais c'est quand même de la merde. Oui, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de moments où ça marche, et je pense parce qu'il n'y a pas beaucoup de moments où c'est suffisamment admis, en fait, le côté... Voilà. Comique, ça aurait dû y aller beaucoup plus à fond. C'est peut-être un peu ça le problème du film, c'est qu'il essaie trop de chercher un équilibre peut-être entre le sérieux et le comique, et que du coup il arrive à être vraiment réussi dans aucun des deux genres. C'est ça, et puis surtout que quand il veut être sérieux, il veut vraiment être serious business, quoi. Oui. Mais du coup, même son concept, même son intrigue de fond avec toute cette histoire de maïs pourri qu'il s'agit de réexploiter, en fait, c'est ridicule. Hein. C'est tout naze comme complot. Oui, non, mais oui, c'est vraiment tout nul, oui. effectivement. Donc, ouais, ça ne prend pas. Peut-être qu'ils auraient dû assumer d'amener la saga totalement dans un côté comique, en réalité, que ça devienne une saga totalement, totalement humoristique. Et je sais pas, peut-être que ça aurait pu marcher comme ça, plutôt que tous les films, finalement, plutôt ratés qu'on a fini par avoir. Mais voilà, les démons du Maïs 2, c'était ça. Bah écoutez, si vous voulez vraiment lui donner sa chance, allez-y, hein, pourquoi pas. Faut vraiment quand même être, être courageux, quoi. Ouais. Ouais, courageux ou avoir des goûts un peu étranges, hein, peut-être. Faut vraiment pas avoir peur de perdre son temps, quoi. Ouais, tu sais, y a probablement d'autres gens comme nous qui n'ont que ça à faire de leur vie. C'est un peu triste, mais on doit pas être les seuls. C'est tellement rabaissant ce que t'es en train de dire. Pour qui ? Pour nous ou pour les autres ? Pour nous. Je serais quand même curieux de savoir à combien d'exemplaires ça se vendra, le coffret. Ah, c'est-à-dire que même nous, on fera pas partie des acheteurs. Hein. C'est... Ah oui, non, clairement pas, non. C'est un peu triste quand même. Il y a des chances qu'il n'y ait même pas de making-of quoi que ce soit. Bah, ça m'étonnerait qu'il y en ait. Il y aura peut-être des interviews faites après coup, mais des making-of, je pense qu'il n'y en a pas eu qui ont été faits à l'époque. Ah non, et puis Rémini, ils sont pas trop du genre à faire des bonus exclusifs. Hein. Ouais. Bah oui. Là, faudrait regarder parce qu'en fait, le coffret des trois premiers films, il est déjà sorti en version américaine ou anglaise. Donc, faudra regarder. À mon avis, ils reprendront exactement le même contenu. Ah ouais, possible. Ce qui veut dire que par contre, potentiellement, il y aura le court-métrage, le Baby Dollar, là, qu'on a déjà chroniqué et qui était pas bien non plus. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On le classe ? Bah, allons-y. Eh bien, nous n'avons pas de livre à classer, puisque la nouvelle, ça fait bien longtemps que c'est terminé. Elle est 55e sur 69 du classement. Oui, parce que ça reste une... Pour redonner un avis vite fait, ça reste une nouvelle quand même plutôt correcte. Hein. Oh oui, oui, tout à fait, oui. Elle méritait plutôt... pas le traitement qu'on lui a infligé. Ah non, clairement pas. La nouvelle est plutôt bien écrite, elle est assez mystérieuse pour accrocher. Elle est ni trop longue ni trop courte, franchement, bonne nouvelle. Ouais. Et du coup, on passe tout de suite au classement des films. Aux 5 premières places, il y a Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anoura Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick. Et aux 5 dernières, c'est-à-dire à partir de la 104e, Children of the Corn, Genesis de Joel Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan, You Can't Kill Stephen King de Ronnie Kalin, Monroman et Jorge Valdesiga, et Room 237 de Rodney Asher. Probablement le film préféré de Donald Trump. Certainement. Voilà. Et donc, où allons-nous classer ça ? Comme on disait, pour moi, c'est pas bien, mais c'est quand même mieux que le premier Démon du Maïs. Mm. Donc si donc, on regarde... Au-dessus de la 90e, c'est le Fritz Kirch, le premier. Ouais, c'est ça. Donc au-dessus de 90. Ça ne fait pas remonter beaucoup. Après, c'est mieux quand même que certains des trucs qui sont au-dessus. Ouais, bah déjà, ça va au-dessus de Creepshow 3. Ouais, de Détour Mortel aussi. Les Décines du Corbeau, qui est encore une autre adaptation. Ouais. J'ai une hésitation avec le 5. Ouais. Alors le 5, c'est lequel déjà ? Putain. C'est celui avec le groupe d'adolescents et avec David Carradine. Ah oui. C'est celui qui se termine sur une sorte de truc à incendie, je crois, où il y a la scène où il y en a un qui s'empale sur une faux, sur fond de vieille musique pourrie. Sur une faux ou sur une fourche ? Je sais plus. Un des deux. C'était de la merde. Ouais. C'était de la merde, mais quoi qu'il en soit, ça peut pas aller au-dessus de Maximum Overdrive. Je pense que j'aurais plus de plaisir à revoir Maximum Overdrive que celui-là. Ouais. Et en vrai, les Démons de Maïs 5, ils tentaient peut-être un brin plus de trucs scénaristiquement. Ils les rataient, mais ils les tentaient. Ouais, allez, en dessous des démons du MI5. Ouais. C'est clairement pas glorieux. Donc voilà, les démons du maïs 2, le sacrifice final, prend la nouvelle 84e place entre le démon du maïs 5, la secte des damnés, et un groupe d'enfer de Mike Robb. Le meilleur démon du maïs, ça reste toujours actuellement Children of the Corn de Kurt Weimer, qui est à la 19e place. Mmh. On verra si le troisième opus parvient à battre ce record. Le dernier pour nous à voir. Oui, après, le vidéoclub va encore durer un peu, hein. Peut-être que d'ici là... Ne parle pas de malheur, s'il te plaît. Ah, sauf si c'est... on nous annonce une nouvelle adaptation, Children of the Corn, par James Wan. Bah, d'accord. Oui, à la limite, ça, oui. Mais moi, je vois bien, tu vois, les compagnies qui sont en train de faire tous les Peter Pan horrifiques et compagnie, oh, racheter les droits des démons du maïs et lancer un film tous les 6 mois, là. Oh non. Allez, passons à autre chose. Bon, à autre chose, on va dire du coup qu'on se retrouve dans 2 semaines pour parler de du Diable des Glaces, à savoir donc Vengeance Diabolique 3. Waouh. Ouais, ça va être un autre bon moment, je pense. Ouais. Tu l'as déjà vu ou pas encore? Non, pas encore. D'accord, ah. Pas encore, attends, il faut que je me programme un visionnage sur le vidéoprojecteur dans le salon. Voilà. Ah oui, attention. C'est vrai que tu veux le regarder dans des bonnes conditions. Ah bah attention, on est professionnel ou on ne l'est pas. Effectivement. Peut-être même me sortir les pop-corns pour l'occasion, tiens. Donc on se retrouve dans 2 semaines pour ça. Ouais. Et bah, dans un mois, on ne sait pas encore. Il faut qu'on décide dans quel ordre on fera. Est-ce que ce sera le nouveau vidéoclub ou est-ce que ce sera le premier épisode de notre podcast sur les attaques animales qu'on est de plus en plus en train de préparer. C'est ça, on est proche là, on n'a jamais été aussi près. Ouais, ouais, on a plein d'idées. On a une liste, pas définitive, mais on a déjà une belle liste. Et on, on a de quoi tenir plusieurs années. Ouais, déjà, voilà, c'est ça. Il y en a vraiment beaucoup, des ça films d'attaque animale. Ouais. Mais on a hâte de lancer cette nouvelle aventure à la rentrée. Ouais. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Sur Blue Sky, @cinémaarchiviste pour toi, @christlostace pour moi. Ouais. Sur Discord, on met les liens dans la description, sur Twitch, sur YouTube, où je fais des vidéos sur le cinéma asiatique. Là, ma dernière vidéo a des soucis de blocage de droit, donc bah, j'espère pouvoir arranger ça. Mais ça devrait sortir. Yes. Et n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.